jamais en ressortir. Moi je veux t'aider à connaître tes limites, à savoir partager. Et pourquoi l'on existe? Des balais, des bandes, c'est bien joli, mais y'a des risques. Des balais, des bandes, c'est bien joli, mais y'a des risques. D'autres marques, Bonjo, que tu fumes du HO. Tu sois un alcoolo, moi je veux que tu comprennes. Y'a pas de couleur sous la peau. Des palmes, des bandes, c'est bien joli, mais y'a des risques. Des palmes, des bandes, c'est bien joli, mais y'a des risques. Trop de risques.